tête haute, les yeux sur l'horizon. Tout ce temps passé avant que le monde m'apparaisse. Pas si impressionnant dans le fond. J'avais dans le cœur quelques plaies. Un poids si gênant qu'il m'obligeait à me courber. Avant que le monde m'apparaisse, pas si impressionnant dans le fond.